assis sur un banc, j'attends. Cela fait longtemps que je t'attends. Cela assis avec l'ennui, je t'envie de faire attendre l'autre sans souci. Viendras-tu un jour me rejoindre? T'asseiras-tu enfin à mes côtés? Ce ne sera pas pour me plaindre, juste pour m'ennuyer avec toi. Seul assis sur un banc, j'attends. Cela fait longtemps que je t'attends. Seul assis avec l'ennui, je t'envie de faire attendre l'autre sans souci. À deux sur un banc, on attend. Cela fait longtemps maintenant. On attend une réponse improbable. Est-ce que notre amour sera palpable? Deux êtres insignifiants au regard de l'espace. Deux êtres sur un banc dans un si petit espace. Viens, ma belle, viens que je t'enlace avant que le mirage ne s'efface. Seul assis sur un banc, j'attends.